Gélène trop glycérique. Nous irons ensuite en Israël boire un coup avec Patrick Bruel. On ne va pas les pleurer. Pas la vie que tu mènes, que tu mènes, que tu mènes. Tous les jours de la semaine, de la semaine, elle te mène. Voyageons ensemble au Tibet, gratter avec André le charcutier. Nous camperons ensuite aux Seychelles, rencontrer le vrai, le beau Raphaël. On va pas aller chanter Sébastien aux États-Unis. Ouais, ça le fait. Tu vois pas la vie que tu mènes, que tu mènes, que tu mènes. Tous les jours de la semaine, elle te mène. Tu ne vois pas la vie que tu mènes, que tu mènes, que tu mènes. Tu ne comptes plus les semaines, les semaines.